Saint Augustin, œuvre dogmatique de la Trinité au ciel, livre 15e. Marquem d'anarchive.org, d'après abbaye Saint-Benoît.ch, licence Creative Commons, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique. La Trinité au ciel, résumé de ce qui a été dit dans les 14 livres de la Trinité précédents. Il faut chercher la Trinité dans les réalités éternelles, immatérielles et immuables, dont la parfaite contemplation nous est promise comme le souverain bonheur. Nous ne découvrons ici-bas cette Trinité que comme à travers un miroir et en énigme, dans l'image de Dieu qui est en nous, comme une ressemblance obscure et difficile à saisir. C'est ainsi qu'on peut conjecturer et expliquer d'une manière quelconque la génération du Verbe divin par la parole de notre âme, mais avec difficulté, à cause de l'immense différence qui sépare les deux Verbes. Et aussi la procession du Saint-Esprit, par l'amour, lien produit par la volonté. Chapitre 1er. Dieu est au-dessus de l'âme. Notre dessein étant d'amener le lecteur à reconnaître le Créateur dans ses créatures, nous sommes arrivés jusqu'à son image, qui est l'homme. L'homme dans ce qu'il élève au-dessus de tous les animaux, c'est-à-dire dans sa raison ou son intelligence, dans tout ce qu'on peut attribuer à une âme raisonnable ou intelligente, dans tout ce qui est propre à cette chose qu'on appelle esprit ou âme. C'est par ce mot spécial, mens, animus, que quelques auteurs latins désignent la partie principale de l'homme, refusée aux animaux, pour la distinguer de l'âme même des animaux, anima. Si nous cherchons quelque chose, et quelque chose de vrai, au-dessus de cette nature, nous trouvons Dieu, c'est-à-dire la nature incréée et créatrice. Que cette nature est Trinité, c'est ce que nous devons démontrer, non seulement aux croyants par l'autorité de la divine Écriture, mais encore, si cela est possible, aux hommes intelligents par quelque argument tiré de la raison. La discussion elle-même fera voir dès le début pourquoi j'ai dit, si cela est possible. Chapitre 2. Il faut chercher sans cesse le Dieu incompréhensible. Ce n'est pas à tort qu'on cherche dans la créature les traces de la Trinité. Le Dieu même que nous cherchons nous aidera, je l'espère, à tirer quelques fruits de notre travail et à bien comprendre cette pensée du psalmiste. Que le cœur de ceux qui cherchent le Seigneur soit dans l'allégresse. Cherchez le Seigneur et soyez forts. Cherchez sans cesse sa présence. Psaume 104, 3, 4. En effet, il semble que chercher toujours, c'est ne jamais trouver, et comment le cœur de ceux qui cherchent sans pouvoir trouver ne sera-t-il pas dans la tristesse plutôt que dans l'allégresse? Car le psalmiste ne dit pas que le cœur de ceux qui trouvent, mais de ceux qui cherchent le Seigneur, soit dans l'allégresse. Et d'autre part, le prophète Isaïe atteste qu'on peut trouver le Seigneur en le cherchant. Cherchez le Seigneur, dit-il, et dès que vous l'aurez trouvé, invoquez-le. Puis quand il sera près de vous, que l'impie abandonne ses voies, et l'homme injuste ses pensées. Isaïe 57, 6, 7. Or, si en le cherchant, on le trouve, pourquoi nous dit-on « chercher sans cesse sa présence » Serait-ce qu'il faut encore le chercher quand on l'a trouvé? En effet, c'est ainsi qu'il faut chercher les choses incompréhensibles, et ne pas s'imaginer qu'on n'a rien trouvé, quand on a pu découvrir combien ce qu'on cherchait est incompréhensible. Pourquoi cherche-t-on ce que l'on sait être incompréhensible, sinon parce qu'il ne faut jamais cesser la recherche des choses incompréhensibles tant qu'elle est profitable, et qu'on devient toujours meilleur en cherchant un bien si grand, qui est toujours à trouver quand on le cherche, est toujours à chercher quand on le trouve. Car on le cherche pour goûter plus de joie à le trouver, et on le trouve pour avoir plus d'ardeur à le chercher. C'est ici qu'on peut appliquer ce que le livre de l'Ecclésiastique dit de la sagesse. Ceux qui me mangent ont encore faim, ceux qui me boivent ont encore soif. Ecclésiaste 24, 29. On mange en effet et on boit parce qu'on trouve, et comme on a faim et soif, on cherche encore. La foi cherche, l'intelligence trouve, ce qui fait dire au prophète, si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas, Isaïe 7, 9. Et, en retour, l'intelligence cherche celui qu'elle a trouvé, car comme chante le psalmiste, le Seigneur a jeté un regard sur les enfants des hommes, pour voir s'il en est un qui est de l'intelligence et qui cherche Dieu. Psaume 13, 2. C'est donc pour chercher Dieu que l'homme doit avoir de l'intelligence. Nous nous sommes donc assez arrêtés aux créatures pour y reconnaître le Créateur, en effet, ses perfections invisibles, rendues compréhensibles depuis la création du monde par les choses qui ont été faites, sont devenues visibles. Romains 1, 20. Aussi le livre de la sagesse adresse-t-il des reproches à ceux qui, à la vue des biens visibles, n'ont pu connaître celui qui est, ni, en considérant les œuvres, reconnaître l'ouvrier, mais qui ont regardé comme des dieux arbitres du monde, le feu, le vent, l'air agité, la multitude des étoiles, les flambeaux du ciel. Que si séduits par leur beauté, ils les ont crus des dieux, qu'ils apprennent combien est plus beau leur dominateur, puisque, source de la beauté, il les a créés. Et s'ils ont admiré la force et la puissance de ces créatures, qu'ils comprennent, par là, combien est plus puissant celui qui les a faites. Car, par la grandeur et la beauté de la créature, il était possible de connaître le Créateur. Sagesse 13, 1 à 5. J'ai cité ce passage de la sagesse pour qu'aucun fidèle ne m'accuse d'avoir perdu mon temps et ma peine à chercher dans les créatures certaines espèces de trinité, pour m'élever de là graduellement jusqu'à l'âme de l'homme, en quête de vestiges de cette souveraine trinité, que nous cherchons quand nous cherchons Dieu. Chapitre 3. Court résumé de tous les livres précédents. Mais comme la nécessité de discuter et de raisonner nous a forcé de dire, dans les 14 livres précédents, une foule de choses que nous ne pouvons voir d'un seul trait pour les ramener, par une pensée rapide, au but que nous voulons atteindre. Je ferai, avec l'aide du Seigneur, tous mes efforts pour résumer en peu de mots et sans discussion tout ce que j'ai dit jusqu'ici, et pour placer comme dans un tableau synoptique, non plus les raisons qui ont déterminé les conclusions, mais les conclusions elles-mêmes. Par là les conséquents ne seront pas assez éloignés de leurs antécédents, pour les faire oublier, et si cela arrivait, un simple coup d'œil rétrospectif suffirait à rafraîchir la mémoire. Dans le premier livre, l'unité et l'égalité de la souveraine Trinité ont été démontrées d'après les Saintes Écritures. Dans le second, le troisième et le quatrième, même sujet, sauf qu'on y a spécialement traité de la mission du Fils et du Saint-Esprit, tout en prouvant que celui qui est envoyé n'est pas pour cela moindre que celui qui l'envoie, puisque la Trinité est égale en tout, également immuable et invisible par sa nature, et qu'étant partout, elle opère sans séparation. Dans le cinquième, en vue de ceux qui pensent que la substance du Père et du Fils n'est pas la même, parce qu'ils s'imaginent que tout ce qu'on dit de Dieu regarde la substance, et qu'ainsi engendré et être engendré, ou être engendré et non engendré n'étant pas la même chose, Ces termes supposent diversité de substances, il est démontré que tout ce qu'on dit de Dieu ne tombe pas sur la substance, comme s'il s'agissait, par exemple, de la bonté, de la grandeur ou de tout autre attribut essentiel, mais qu'il y a aussi des termes relatifs, c'est-à-dire se rapportant non à Dieu même, mais à quelque chose qu'il n'est pas, comme Père qui se rapporte à Fils, ou Seigneur à la créature qui lui est soumise. Et s'il y a là un sens relatif, c'est-à-dire se rapportant à ce qui n'est pas la substance, ce sens est de plus temporel, comme quand on dit « Seigneur, vous êtes devenu notre refuge » Psaume 89, 1, ce qui ne suppose en Dieu aucun changement, et le laisse permanent et immuable dans sa nature ou son essence. Dans le sixième, on demande comment l'apôtre a appelé le Christ vertu de Dieu et sagesse de Dieu, 1 Corinthiens 1, 24, tout en remettant à un examen plus approfondi cette question. Celui par qui le Christ est engendré n'est-il point sagesse, mais seulement père de sa sagesse, ou bien la sagesse a-t-elle engendré la sagesse? Mais quoi qu'il en puisse être, on a vu dans ce livre qu'il y a égalité dans la Trinité, que Dieu n'est point triple, mais Trinité, que le Père et le Fils ne sont point chose double vis-à-vis du Saint-Esprit chose simple, et que là, trois ne sont pas quelque chose de plus qu'un. On y a discuté aussi le sens de ces paroles de l'évêque Hilaire, éternité dans le Père, beauté dans l'image, usage dans le don. Dans le septième livre, on traite la question qui avait été différée, et on explique que Dieu qui a engendré son Fils, n'est pas seulement le Père de sa vertu et de sa sagesse, mais qu'il est lui-même vertu et sagesse, et aussi le Saint-Esprit, sans cependant qu'il y ait trois vertus et trois sagesses, mais une seule vertu et une seule sagesse, comme il n'y a qu'un seul Dieu et une seule essence. Puis on a demandé comment il se fait qu'on dise une essence, trois personnes, ou selon certains grecs, une essence, trois substances. Et on a trouvé que le besoin de s'exprimer forçait à répondre par un seul mot à cette question. Qu'est-ce que les trois? Ces trois que nous confessons en toute vérité, à savoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Dans le huitième livre, on a prouvé par des arguments sensibles pour les lecteurs intelligents que, dans la substance de la vérité, non seulement le Père n'est pas plus grand que le Fils, mais que les deux ne sont rien de plus grand que le Saint-Esprit, ou que deux personnes, que les trois mêmes réunies, ne sont rien de plus grand qu'une seule d'entre elles prise en particulier. Ensuite, par la vérité que l'intelligence découvre, par le souverain bien de qui tout bien découle, par la justice en vertu de laquelle l'âme juste est aimée même de l'âme qui ne l'est pas, j'ai cherché, autant que je l'ai pu, à faire comprendre cette nature, non seulement immatérielle, mais encore immuable, qui est Dieu. Puis par la charité, qui est le nom même de Dieu, d'après les saintes écritures, Jean 4, 16, j'ai commencé à donner aux lecteurs intelligents une idée quelconque de la Trinité, celui qui aime, celui qui est aimé et l'amour qui les unit. Dans le neuvième, la discussion s'est établie sur l'image de Dieu, qui est l'homme en tant qu'intelligence, et nous y avons trouvé une certaine Trinité, l'âme, la connaissance qu'elle a d'elle-même, et l'amour qu'elle a pour elle-même et pour sa propre connaissance, trois choses qui sont démontrées égales et d'une seule essence. Dans le dixième, ce même sujet a été étudié plus attentivement et plus à fond, et nous avons été amenés à reconnaître dans l'âme une trinité plus manifeste, sa mémoire, son intelligence et sa volonté. Mais comme il est évident qu'il n'est pas possible à l'âme de ne pas se souvenir d'elle-même, de ne pas se comprendre et de ne pas s'aimer, même quand elle ne pense pas à elle, et que, quand elle y pense, elle ne se sépare point par la pensée des objets matériels, nous avons différé de parler de la Trinité dont elle est l'image, afin de découvrir une Trinité même dans les corps visibles et d'exercer ainsi la sagacité du lecteur. Dans le 11e livre, nous avons choisi pour sujet de nos raisonnements le sens de l'œil, d'après lequel, sans autre explication, on peut porter sur les quatre autres sens un jugement analogue, et nous y avons vu la Trinité de l'homme extérieur. Les objets vus au dehors, soit par exemple un corps exposé au regard, puis la forme qui en résulte et s'imprime dans l'œil du spectateur, et ensuite la volonté qui les unit. Mais ces trois choses ne sont évidemment point égales entre elles, ni de même substance. Puis dans l'âme elle-même, une autre trinité est résultée des objets extérieurs et comme introduit par la porte des sens, trinité composée de trois choses de même substance, l'image du corps restée dans la mémoire, l'information qui s'en fait quand la pensée y tourne son regard, et la volonté qui les unit l'une à l'autre. Mais cette trinité nous a paru appartenir à l'homme extérieur, puisqu'elle est produite par des sensations venues du dehors. Dans le 12e, nous avons cru devoir distinguer la sagesse de la science, et chercher dans ce qu'on appelle proprement la science et qui est d'une dignité inférieure, une certaine trinité particulière, sui generis, trinité qui appartient déjà, il est vrai, à l'homme intérieur, mais qu'on ne doit point encore appeler ni croire l'image de Dieu. C'est là l'objet du 13e livre, où le sujet est traité à l'aide de la foi chrétienne. Dans le 14e, la discussion roule sur la vraie sagesse, c'est-à-dire celle qui est un don de Dieu, une communication de Dieu, est distincte de la science, et enfin on arrive à découvrir la Trinité dans l'image de Dieu, c'est-à-dire dans l'âme humaine qui est renouvelée par la connaissance de Dieu selon l'image de celui qui a créé l'homme, Colossiens 3, 10, à son image, Genèse 1, 27, et reçoit ainsi la sagesse là où se contemplent les vérités éternelles.